Sana allume la télé, s'il te plaît. Mesdames et messieurs, des événements graves nous poussent à interrompre notre programme. Tout de suite, nous retrouvons sur place notre envoyé spécial Yannick. Vous me recevez ? Oui, Christine. Parfait, faites-nous un point sur la situation. La brume se dissipe, révèle un sol jonché de corps. De ma carrière de reporter, non, je n'ai jamais vu encore une guerre causant autant de morts. De blessés, de dégâts pour instaurer le nouvel ordre. Ils déciment tous les renégats, ils éliminent, déciment toute forme de résistance. Je dois rendre l'antenne pour préserver mon existence. Pour me mettre à l'abri, il faut que je profite de la trêve. Attendez, regardez là-bas, les cendres se soulèvent. Quel effort pour me lever dans un champ de ruines au milieu de cadavres. Je tremble encore, le corps couvert de sang dans le vague. J'entends le chant des camarades, tous morts. Moi aussi j'ai tué, tiré, causé des carnages. Mon bagage, mitrailleuse, fusil, grenade, des bombes à gaz. Maintenant tout est morbide, touché au vide. Mon crâne chauve, loupé, de peu. Quand le feu se dissipe, horrible. Je vois mon bras gauche coupé. Je veux sortir de ce cauchemar. Mais est-ce possible? Une chaleur torride, impassible. Les chants redémarrent, les cieux se marrent. C'est vrai, je suis la dernière cible. Qui dirige les nations? Ceux-là même qui conspirent font les machinations qui poussent les peuples à se haïr. Qui dirige les nations? Ceux-là même qui conspirent font les machinations qui poussent les peuples à se haïr. De l'Ambitiside jusqu'au Zaïre. Tout n'est que désolation. Un décor où se consume des corps calcinés. Inertes, comme par insolation. Morts enracinés, couverts de brume. Un drame, tout est calme si ce n'est une ombre qui bouge au milieu des décombres. Serait-ce un rescapé, dur de capter. D'un hélicoptère, à milieu des terres. On ne voit qu'un nid de coléoptères. Unis par milliers, collés aux terres arides ou rôdent. La dernière cible, à distance assez accessible. On distingue un homme aux bras arrachés, en train de se débattre, qui peine à marcher. Que faire? Trop meurtri, dois-je l'abattre? Tant de gâchis, trop de vie de gâcher. Ai-je le droit de lui faucher la vie? Pas le choix, j'enfourche mon M16 à lunettes. Vise, touche net, ça y est en ces lieux. Plus aucune forme de vie. D'ores et déjà, le silence est d'or. Je rentre au rapport. Enfin la dernière cible, l'accomplissement d'une vie de rigueur impassible. La guerre ultime, où j'élimine les derniers résistants, résidus de vermine. Après la famine, je dissémine les virus, pose les mines. Dans l'hémisphère sud, les gouvernements légitimes m'aident à finir mes victimes. De la drogue aux médias, c'est l'hécatombe de l'ancien monde. Plus de désordre, nous sommes à l'aube d'un nouvel ordre. Ouais. Qui dirige les nations? Ceux-là même qui conspirent font les machinations qui poussent les peuples à se haïr. Dirige les nations. Ceux-là même qui conspirent font les machinations qui poussent les peuples à se haïr. De Long Beach Side jusqu'au Zaïre. Qui dirige les nations? Ceux-là même qui conspirent font les machinations qui poussent les peuples à se haïr.